6 mois après, comme elle allait voir ses parents un dimanche, son père l'examina curieusement puis demanda « T'es-tu point grosse ?» Elle restait stupide, regardant son ventre, répétant « Mais non, je ne crois point. » Alors, il l'interrogea, voulant tout savoir. « Dis, mais si vous n'avez point quelque soir, mêlez vos sabots ?»« Oui, je les ai mêlés le premier soir, et puis les autres. »« Mais alors t'es pleine, grande futaille !» Elle se mit à sangloter, balbutiant. « Je savais-ti, mais... Je savais-ti, mais... » Le père Malandain la guettait, l'œil éveillé, la mine satisfaite. Il demanda « Qu'est-ce que tu ne savais point ?» Elle prononça, à travers ses pleurs, « Je savais-ti, mais que ça se faisait comme ça, des éphants ?» Sa mère entrait. L'homme articula sans colère. « Lave la grosse, à 7 heures !» Mais la femme se fâcha, révoltée d'instinct, injuriant à pleine gueule sa fille en larmes, la traitant de manante et de traînée. Alors, le vieux la fit taire. Et comme il prenait sa casquette, pour aller causer de leurs affaires avec Maître Césaire Aumont, il déclara « Elle est tout de même encore plus sotte que j'aurais cru. Elle ne savait point ce qu'elle faisait, cette niante. » Au prône du dimanche suivant, le vieux curé publiait les bans de M. Onufre Césaire Aumont avec Céleste Adélaïde Malandais.